Les rassemblements de masse des villes de Nampo et de la Sonne pour devenir vainqueurs glorieux dans la campagne de 200 jours, en appliquant à fond la décision du 7e congrès du Parti Travail de Corée, ont eu lieu le 7 courant. Y ont pris part les cadres, les travailleurs, les jeunes et étudiants des organismes du parti, du pouvoir et de l'économie, des organisations des travailleurs, des usines, des entreprises, des fermes et des écoles supérieures. Les orateurs ont souligné qu'on doit s'engager pour devenir de nouveau le vainqueur glorieux dans la campagne de 200 jours, afin d'accomplir à fond la décision du 7e congrès du parti, suivant sa direction. Il y a eu les manifestations.